Alors, de retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse à Futur Simple, Hélène Gélot, qui était venue l'hiver dernier faire une chronique sur la domestication du chien. Bonjour Hélène. Bonjour François. Alors, avant d'aborder ta chronique, Hélène, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Je suis journaliste et éditrice scientifique. Je suis biologiste, en fait, de formation. Et j'ai travaillé pendant un an comme éditrice scientifique pour les éditions Belin à Paris. Uh-huh. Et puis maintenant, je suis journaliste pigiste à temps plein. Je travaille pour différents magazines, dont le magazine français de science pour la science. Ah, c'est quand même bien ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, tu es venue nous parler des tardigrades. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces petites bestioles, mais en tout cas, si c'est la première fois que vous en entendez parler, ce sera probablement pas la dernière, parce que ces petits organismes d'un demi-millimètre, ils cumulent à eux seuls les records de résistance aux conditions extrêmes du monde animal. Et depuis leur découverte, au XVIIIe siècle, les scientifiques, ils n'ont pas cessé de s'y intéresser. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il y a environ une vingtaine d'études scientifiques qui sortent sur ces animaux chaque année. Et on commence peu à peu à découvrir certains de leurs secrets. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter c'est quoi ces organismes? Oui, tout à fait. Alors, dans la classification animale, ils forment un embranchement à eux seuls, hein, au même titre que les arthropodes ou les mollusques, par exemple. On compte au moins 1000 espèces de tardigrades différentes. Et leur nom, tardigrade, ça vient du latin tardigrada, qui signifie marcheur lent. On les surnomme aussi parfois les oursons d'eau, peut-être à cause de leur démarche un peu pataude qui fait passer à un petit ourson, ou de leurs pattes qui sont munies de griffes. Mais en fait, ils sont assez agiles, ils possèdent 4 paires de pattes, et la dernière, elle est dirigée vers l'arrière, ce qui est unique dans le règne animal. Ils l'utilisent pour s'accrocher et accomplir des mouvements assez acrobatiques. Puis si on les surnomme les oursons d'eau, c'est aussi parce que ce sont des animaux aquatiques. On les trouve un peu partout à la surface du globe, à la fois dans l'océan, dans les eaux douces et sur terre, mais en tout cas toujours dans des endroits humides. Donc si on les trouve sur terre, on les trouvera par exemple dans des mousses ou dans des lichens par exemple. Et pourquoi tu dis qu'ils cumulent tous ces exploits? Oui, alors souvent on les surnomme un peu les survivants de l'extrême, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont particulièrement connus. Depuis leur découverte, les scientifiques leur ont fait subir les pires crasses possibles pour voir jusqu'à quelle limite ils pouvaient survivre. Et ils ont survécu à tout ou presque, à une pression de 75 000 atmosphères, à une concentration élevée de gaz asphyxiant, à des températures extrêmes de moins 273 degrés pendant 20 heures ou de moins 200 degrés pendant 20 mois, ou au contraire très importantes comme 150 degrés. Également, ils ont survécu à la sécheresse, enfin, autant dire qu'ils supportent l'insupportable. Et en 2007, certains tardigrades ont même voyagé dans l'espace, puisque des astronautes ont embarqué des spécimens avec eux dans le cadre de l'expérience européenne BioPan 6. Et pendant que la capsule était en orbite, les chercheurs ont exposé des tardigrades au rayonnement solaire, au vide spatial. Et quand ils sont revenus sur Terre, ils les ont remis en présence d'eau et ont découvert que certains animaux avaient survécu à cette expérience. Donc, ils peuvent avoir la vie dure, là. Oui. Mais alors, quel est le secret de leur résistance extrême? Oui, leurs capacités de survie, elles sont assez étonnantes parce que, par exemple, un froid intense, ça devrait faire éclater des cellules ordinaires qui sont majoritairement constituées d'eau, puisque l'eau va se dilater en dessous d'une certaine température. Mais le tardigrade est malin et il est capable de se vider presque entièrement de son eau, jusqu'à 97%, et à rentrer dans un état de dormance. Donc il va former une petite boule en rentrant sa tête et ses pattes à l'intérieur. Et sa taille, elle fera plus qu'un tiers de sa taille habituelle. Ah bon? Et puis son activité métabolique est suspendue. Il serait diagnostiqué cliniquement mort par un médecin. Okay. Cet état-là, on l'appelle la cryptobiose. C'est cet état qui lui permet de survivre en fait aux conditions extrêmes. Mais c'est un état qui est irréversible. Donc dès que l'animal il va être remis en contact de l'eau ou de conditions qui sont des conditions normales pour lui, son activité métabolique va reprendre. Et il y a des tardigrades qui sont restés très longtemps dans des... En dormance, quoi. Oui, voilà, dans cet état, puisqu'un tardigrade, en 2013, a survécu après avoir été congelé pendant 30 ans. OK. En fait, ce n'est pas toutes les espèces de tardigrades qui ont cette capacité. C'est principalement les tardigrades qui sont terrestres. En fait, ils ont développé cette capacité au fur et à mesure afin de s'adapter à des environnements changeants. Si on parle par exemple des tardigrades qui vont se retrouver dans les mousses, quand les mousses elles vont s'assécher, et ben, cette capacité leur permet de survivre pendant cette période jusqu'à ce qu'il pleut à nouveau par exemple sur les mousses et qu'ils se retrouvent dans des conditions correctes. Mais ce qui est plus difficile en fait pour les scientifiques, c'est de savoir comment les cellules et leur matériel génétique est protégé lors de ces expositions à des conditions extrêmes. Mais des découvertes récentes nous en disent un peu plus là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert, les scientifiques ? Ben, il y a eu plusieurs études majeures sur les tardigrades cette année. L'une d'elles, publiée en mars dans la revue Molecular Cell par des chercheurs américains et italiens, s'intéresse à des protéines particulières présentes chez certaines espèces de tardigrades qu'on appelle les protéines TDP. Ce sont des protéines qui n'ont pas de structure tridimensionnelle fixe. Et en fait, les chercheurs, ils ont montré que ces protéines, elles sont produites en grande quantité chez de nombreuses espèces de tardigrades lors d'une déshydratation. Lorsqu'elles s'assèchent, c'est ça? Ouais. Et en fait, les chercheurs, lorsqu'ils ont bloqué l'expression de ces protéines, les tardigrades, ils n'ont pas survécu à la déshydratation. Et ces protéines, comme elles changent de structure, elles sont capables de se vitrifier, un peu comme du verre. Elles vont protéger l'organisme lors de ces épisodes de sécheresse. Puis une autre étude a été publiée en juillet dernier par des chercheurs japonais et écossais cette fois. Et ils ont étudié, eux, seulement deux espèces de tardigrades, mais qui ont des attitudes différentes face à la sécheresse, puisque la première espèce tolère une déshydratation rapide, alors que la seconde ne survit que si son assèchement se fait tout doucement. Et le séquençage de leur génome, donc de l'ensemble de leurs gènes, a montré que les deux possèdent une série de gènes à l'origine de protéines dont le rôle est très important pour soutenir les structures cellulaires du tardigrade. Elles vont prendre la place de l'eau dans les cellules et maintiennent ainsi sa structure. Et puis en plus, depuis cette étude, la place des tardigrades au sein du règne animal, elle est devenue un peu plus précise qu'avant. Mais c'était pas clairement défini jusque-là? En fait, il y avait encore un débat, puisque si on observe leur anatomie, on aurait tendance à les placer plutôt proches des arthropodes. Donc les arthropodes, c'est les insectes, araignées et crustacés, et des onychophores, des sortes de vers. Alors que si on s'intéresse plutôt à l'analyse moléculaire, ils vont être placés plutôt proches de la branche des nématodes, qui sont des vers ronds. Et l'analyse du génome des deux espèces par les chercheurs cités plus haut va les placer plutôt du côté des nématodes. Donc on est loin d'avoir fini d'explorer leur génome, puisque certains voient même dans les protéines particulières de ces organismes des possibles applications, notamment pour fabriquer des médicaments. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de ce côté. Et d'autres études continueront sûrement à sortir pour mesurer leurs exploits. Oui, puis d'ailleurs, en juillet dernier, une autre étude a fait état de leur caractère de champion de l'extrême. Elle est sortie dans la revue Scientific Reports et a été menée par des chercheurs de l'université d'Harvard et de Cambridge. En fait, ils cherchaient à savoir quelles espèces sur Terre seraient les plus résilientes pour survivre à des événements cosmiques. Et ils ont découvert que le tardigrade, il serait capable de survivre aux conséquences d'une collision entre la Terre et un astéroïde géant. Rien de moins. Contrairement à l'homme. Et bon, cette fois, les petites bestioles n'ont rien eu à subir, puisque les résultats ont été obtenus grâce à des simulations mathématiques. Mais l'un des co-auteurs de l'étude, donc Raphaël Alves Batista, chercheur à Oxford, il a commenté l'étude dans un communiqué en disant « Sans nos technologies qui nous protègent, nous les humains, nous sommes une espèce très sensible et des changements subtils dans notre environnement peuvent nous impacter de manière dramatique. Mais il y a des espèces beaucoup plus résilientes sur Terre, comme les tardigrades. » Et la vie sur Terre continuera bien après que les humains soient partis. Autant dire que du haut de leur demi-millimètre et avec leur démarche un peu pataude, les tardigrades n'ont rien à envier à l'espèce humaine. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que les recherches à venir sur ces organismes risquent d'être fort intéressantes. C'est à suivre. Alors merci Hélène pour ce sujet captivant. Merci. Alors nous allons faire une pause publicitaire et on vous revient après avec Boucard Diouf et Cyril Barrette qui vont nous parler de reproduction. Restez à l'écoute.